Chapitre 3e. Rembrandt est un chêne formidable dont les rameaux pleins de sève exubérante couvrent tout le domaine de l'art en Hollande. Il a même un peu mis à l'ombre les grands peintres qui étaient venus avant lui, Engelbreitzen, Lucas de Leyde, Heemskerk, Chorel. S'il n'a pas eu d'héritier dans son fils, il en a eu un grand nombre parmi ses élèves, dignes de porter à des degrés divers cet imposant héritage. Tout ce qu'il y a eu de peintre en Hollande après Rembrandt doit un rayon à ce fier et robuste génie. Govert Flinck, né en 1616 et mort en 1660, est véritable disciple de Rembrandt. Il en a la touche tour à tour fondue et heurtée. Il en a la mélancolie. Il eut à subir dans sa jeunesse l'opposition brutale d'un père inintelligent qui voulait à tout prix que son fils fût marchand de soie. Il étudia avec Bach chez Lambert Jacob. Bientôt, attirés tous deux par le génie de Rembrandt, ils allèrent lui demander des leçons. Flinck fut presque subitement proclamé un grand peintre. En peu d'années, il put faire sa fortune. Il épousa une jolie héritière qui mourut trop jeune, lui laissant un fils. Le chagrin qu'il ressentit de cette perte contribua à développer en lui ce sentiment de tristesse qui passe comme une ombre sur sa couleur. Il n'avait pas, comme Rembrandt, résisté aux avances des grands personnages d'Amsterdam. Tous étaient ses amis, mais il aimait beaucoup à vivre seul, avec les souvenirs de sa jeunesse. Sur ses derniers jours, il devint chagrin et brisa ses pinceaux. « Pourquoi ?» lui demanda le bourgmestre Jean Six. « Parce que je suis peintre d'histoire et peintre de portraits. Parce que j'ai vu les pages de Rubens et les portraits de Van Dyck. » On le supplia de reprendre sa palette. Il ne voulut jamais y consentir, renvoyant ceux qui lui demandaient des tableaux à Bartholomé van der Helst. Bartholomé van der Helst fut un portraitiste de premier ordre. C'est le naturalisme de Rembrandt, moins l'ombre répandue sur le front, moins l'exubérance de la palette. Né à Harlem en 1616, il mourut à Amsterdam dans un âge avancé sans avoir quitté sa patrie. Sa bonne figure souriante annonce une vie calme et douce, embellie par un peu de gloire et beaucoup d'orgueil. Köhler, le peintre, et Jean Bos, le poète hollandais, ont vanté avec enthousiasme les portraits de Van der Helst. Son tableau capital est le repas donné par la garde civique en commémoration de la paix de Münster. On a dit que c'était la merveille de la peinture hollandaise. C'est une maladresse. La ronde de nuit de Rembrandt, qui est à cette heure en face de ce tableau, le condamne comme une œuvre secondaire, belle par l'ordonnance, par les draperies, par les détails, par la vérité, mais sans style et sans caractère. Ferdinand Boll, 1611-1681, égala presque Rembrandt, qu'il aimait beaucoup, et qui disait lui-même que plus d'un portrait de Boll serait confondu avec les siens. L'éloge du poète Vondel n'a guère de prix après celui-là. Quelques portraits de Boll sont fiers et vigoureux comme ceux du maître, quoique un peu plus clairs. Il y a cependant entre Rembrandt et Boll la distance du génie au talent. Gerbrand van der Ekhout avait saisi la manière de Rembrandt, moins vif dans les qualités, plus ardent à rendre les défauts. Ses portraits sont d'une belle tournure, peut-être un peu théâtrale. C'était un artiste intelligent, ayant le regard profond et lumineux. Il aimait mieux peindre l'histoire que le portrait. Ses compositions sont riches et bien entendues, mais c'est toujours l'histoire au point de vue hollandais. Ses fonds sont plus clairs que ceux de Rembrandt, il est moins fier dans son expression. Né à Amsterdam en 1621, il y mourut en 1674. Personne n'a recueilli l'histoire de sa vie. Jean-Victor est un grand peintre de l'école de Rembrandt dont l'histoire ne s'est plus inquiétée. Où est-il né? Quand vivait-il? Il est hollandais, à n'en pas douter, et vivait en 1640. C'est un véritable artiste, expressif et pittoresque, ingénu et gai, à la touche large et grasse, excellent dans les harmonies et les contrastes du clair-obscur. Il peignit l'histoire, le portrait et la page familière. Ce qui me charme en cet artiste si digne d'une célébrité posthume, comme Obéma et tant d'autres de son pays, c'est sa gaieté naïve. Si Jean Steen l'a rencontré, à coup sûr, il lui a pris le bras pour l'entraîner à son cabaret. Nicolas Maz, né à Dordrecht en 1632, mort à Amsterdam en 1693, peignait quelques bambochades, mais surtout des portraits à la manière de Rembrandt. Il possédait le don de la couleur à un très haut degré. Cependant, il ne s'aveugla jamais et se proclama toujours avec orgueil l'élève de ce grand maître. Quoiqu'il partît du même principe de coloris, il y a entre lui Rembrandt de grandes dissonances. Il cherchait l'effet de la lumière sans le secours des ombres, Il peignait avec vérité, tout en donnant au modèle un certain tour mensonger. Aussi, c'était une fureur à Amsterdam de se faire peindre par lui. Rembrandt vous épouvantait dans votre vérité ténébreuse d'illuminé. Maas vous souriait à vous-même, sans rien perdre de son énergie. Dans l'école de Rembrandt, on doit aussi placer Salomon Koenig, d'Amsterdam, qui aimait la vérité et luttait avec elle par la vie et le mouvement. Il peignit l'histoire et le portrait en grand et en petit. Ses tableaux sont devenus rares. On y reconnaît la touche franche et colorée d'un peintre à brûle-pourpoint. Samuel van Hoogstraten, né à Dordrecht en 1627 et mort dans la même ville en 1678, fut élève de Rembrandt, sans toutefois aimer trop sa manière. Il fut moins éclatant et moins sombre. Cependant, son œuvre centre la palette, mais sa fraîcheur et sa lumière voilent sa crudité. Il est bon portraitiste et savant peintre d'histoire. Il excellait en outre à peindre des fleurs et des fruits. L'empereur d'Autriche, voyant venir une corbeille de pêche parfumée de grappes dorées peintes par Hoogstraten, se laissa aller à l'illusion. « Voilà, dit-il, le premier peintre qui su me tromper. » Heureusement pour Hoogstraten qu'il ne se contentait pas de tromper les yeux des empereurs d'Autriche. Il étudia à Rome toutes les beautés du paradis de l'idéal. Quand il revint à Dordrecht, sa fortune était faite. Il partagea son temps entre la poésie et la peinture. Il publia son voyage en Italie. Bientôt après, un livre singulier sous ce titre, « Le monde éclairé et le monde aveugle », enfin un recueil de vers et un traité sur la peinture. Gottfried Kneller, le célèbre portraitiste chanté par Pope, fut d'abord élève de Rembrandt, qui certes ne lui avait pas enseigné ce maniérisme qui fait son caractère. Kneller était surtout élève du mauvais goût de la cour de Londres. Mais ce n'est pas à nous de l'étudier. Il est allemand et anglais, il n'a fait que passer en Hollande. Gérard Dove est-il bien l'élève de Rembrandt? Faut-il en croire l'histoire elle-même? Oui, durant 3 années, Gérard Dove a essayé son passeau timide devant les exemples de cette griffe de lion. Rembrandt était né grand peintre, Gérard Dove était né petit peintre. Voilà tout le secret. Rembrandt, avec ses philosophes et sa Bible, est comme enfermé dans son orage. Ce nuage qui l'assombrit, c'est l'avenir qui garde ses mystères. Gérard Dove, enfermé chez lui, dans son intérieur de paix, ne voit pas si loin. Les crises du doute n'ont pas tourmenté sa couleur. Il est tout net et tout clair comme la nature à sa surface. Aussi, il ne descend jamais dans l'abîme des penseurs et n'a pour tout horizon que ce qui frappe ses yeux. Ainsi s'achève Rembrandt par Arsène Houssaye.